Le journal américain New York Times a écrit le 7 novembre que Wakone est la présidente de la pire popularité en Corée du Sud depuis les années 1980.